J'aimerais commencer cette collection avec une chanson sur la nature apocalyptique de la mécanique du désir. Si ceci vous semble légèrement obscur, je suis convaincu que ça s'éclaircira après cette chanson et l'histoire de ma première rencontre avec ma femme dans un café où moi j'étais assis en dessous d'un éventail électrique antique. Elle était à une table de fond. Elle buvait un Perrier citron. Au moment où la dernière goutte de Perrier est entrée dans sa paille pour faire le chemin jusque dans sa bouche, ça a fait un petit son sexuel délicieux. J'ai failli défaillir. C'est à ce moment-là que mes yeux ont roulé en arrière et que j'ai remarqué cette lourde antiquité.